Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population de Dolbo-Mistassini et des alentours un bon festival du Bleuet et félicite les nombreux bénévoles qui rendent possible l'événement. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles de piscine et autres marchandises estivales. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 88 276 23 85. Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à $176 aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à $183 aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbo-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. On va parler de golf. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Roger Caron. Salut Roger! Bonjour Danny, comment ça va? Ça va bien Roger, si on parlait un peu de ce qui s'est passé, en fait c'est votre tournoi bénéfice en fin de semaine, hein? Oui, on a notre tournoi bénéfice en fin de semaine, on a déjà là, une soixantaine de membres d'inscrits, ça va très bien, on a aussi des non-membres, des municipalités, les maires de différentes municipalités qui vont venir de la MRC, alors ça va très bien présentement, alors c'est un tournoi qu'on se sert, dans le fond, on se fait une levée de fonds avec ça, pour acheter des nouveaux équipements. OK. Alors, c'est très bien. OK. Puis présentement, il annonce une belle température. On devrait avoir un bon souper. Alors, s'il y a des gens qui veulent jouer dans le tournoi bénéfice, c'est $100, le souper compris, tout est compris. Et c'est vraiment pour une bonne cause, pour l'achat d'équipements. OK. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'on veut s'acheter un nouveau rouleau pour rouler nos verres, qui va faire que ce rouleau-là va permettre à nos verres qu'on va être plus rapide et dans des périodes de sécheresse, fait qu'on pourrait garder notre gazon un peu plus long, puis en les roulant, nos verres vont être aussi rapides. Alors, c'est pour ça que ce qui est prévu, c'est vraiment l'achat d'un rouleau pour nos verres. OK, OK. Donc, on va suivre ça, évidemment, de très, très près. Parle-moi maintenant de quoi c'est actuellement. Il y a un tournoi senior, je pense, qui s'en vient là, bientôt, c'est ça? Oui, bien, avant ça, Danny, on a en fin de semaine, dimanche, le Field Day. Oui. C'est-à-dire que c'est tous les gens de la région qui viennent jouer de partout, là, de Chibougamau jusqu'au Saguenay. Alors, c'est notre Field Day dimanche. Et puis, il y a déjà des inscriptions, ça va très bien. Il annonce une belle journée aussi. Alors, on attend du monde, alors inscrivez-vous. Puis, c'est ce qu'on demande aux gens de venir nous voir. Maintenant, les promotions. Oui, bon. Nos promotions, naturellement qu'on a toujours nos promotions des travailleurs. On a toujours les promotions pour les quatuors 9 trous. Alors, c'est très bien pour ça, les duos et les quatuors. Puis on a aussi les quatuors 18 trous qui sont n'importe quand durant la journée à $120, petit panier de balle, carré. Okay. Alors, ça, c'est très bon. Puis on a le duo à $70 avec le petit panier de balle et le carré aussi. OK. Donc, on va suivre ça, évidemment. Après ça, Daniel, on a les seniors mardi. Ouais. On a notre tournoi senior. Tout encore là, les clubs de la région qui viennent nous visiter. Alors, encore là, on a une très bonne participation habituellement. Et puis, on attend beaucoup de monde. On attend près d'une centaine de joueurs. Alors, tous les gens qui veulent venir nous visiter, mardi, les seniors, ça va être un très bon tournoi et un très bon show. OK. Donc, aussi, c'est les Jeux du Québec hein, actuellement. Puis, qu'est-ce qui se passe aux Jeux du Québec? On a une performance de notre petite Sarah Maude. Ouais. Qui s'est classée deuxième, une médaille d'argent. OK. Alors, c'est une très, très belle performance. Et on est fiers de Sarah Maude. Elle travaille très fort. Elle pratique beaucoup. Les entraîneurs s'en occupent bien. Ses parents, son père travaillent beaucoup ça avec elle, sa mère. Alors, c'est vraiment une jeune fille prometteuse, et puis elle nous l'a prouvé aux Jeux du Québec en fin de semaine. OK, donc on va suivre aussi, donc elle va bien. Du côté de l'achalandage, comment ça va? L'achalandage, ça va bien, on a une belle température. Alors, on est content de notre achalandage. Si ça peut continuer comme ça, on est fiers de nos semaines de la construction. Et on espère juste que la température va être avec nous, comme présentement, parce que c'est vraiment l'idéal. Okay. On regarde hier, c'était une très belle journée, aujourd'hui aussi. Notre tableau, beaucoup de visiteurs. Les gens sont très contents de notre terrain. Il est en belle condition. Alors, on attend les gens qui viennent nous visiter, puis on va bien les accueillir. OK. Donc, on se reparle prochainement? Merci, Dani. On se reparle mardi prochain, puis avec plaisir. Bon, ben c'était le président, le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Roger Caron.